Bon, flegmatique. Boulon incontinent. Chat obèse. Voiture boulimique. Porte avare. Herbe rachitique. Buisson décatif. Poteau goulu. Panneau asymétrique. Escalier psychédélique. Fil de fer renfrogné. Arbre déplumé. Vélo herboriste. Bergeronnette stupéfaite. Poubelle désossée.